Vous aimez la chasse? Pas trop. Non, pas plus. J'ai été invité plusieurs fois à la chasse aux fauves. Ouais. Vous autres, pour moi, j'ai pas trop l'habitude. Bon, j'ai chassé un peu. J'aime pas trop tuer les bêtes. Maintenant, les prédateurs, ils tirent que les prédateurs. C'est-à-dire les lions, les lions, les hyènes, les crocodiles. Oh, putain. Il y en a beaucoup des lions encore. Ah, des lions, il y en a pas. On n'en voit pas souvent. Des lions, oui. Oh, putain. Et c'est la lionne qui chasse. Attention. On est tombé une fois. Parce que là où on va, c'est ils ont un élevage de moutons. Vous savez combien il y a d'hectares pour chasser? 20 000 hectares, ça vous dit quelque chose? Vous savez combien ils ont de moutons? Il a 12 000 moutons, ça vous dit quelque chose? 12 000 moutons. Vous savez combien il y a d'employés? Une bonne cinquantaine. Donc quand on fait des battues comme ça, parce que c'est ça le bestiaux, ils s'attaquent aux moutons. Vous avez une battue? Ils avaient attrapé un buffle, des lions. 5-6 lions. Oh putain, on a fait un carton là-dessus. Oh le pauvre buffle, il l'avait blessé, le pauvre. Oh, il a pas demandé son reste, comment qu'il a foutu le camp. Oh, vous auriez vu ça. Mais ils ont tué un. On a fait une battue, j'ai été invité. Un lion, mais un truc énorme. Ce qui s'appelle dépiauté, ils ont retrouvé les corps, vous l'auriez vu, dans l'état, moi je ne les ai pas vus, mais dans l'état où ils les avaient mis, ils les avaient déchiquetés. Ils l'ont réussi à le tuer, vous savez combien il pesait, le bestiau? Je l'ai vu en photo, il a, vous voyez ma main, les pattes, ils font trois fois ma main, avec des griffes comme ça, combien il pesait? 400 kilos? Non, beaucoup moins que ça, 232 kilos. Et les lions, elles font 190 kilos. J'en ai déjà tué qui faisait 180 kilos. C'est énorme. La lionne, elle est dangereuse. Vous savez ce qu'elle fait? Là-bas, les territoires de chasse, il y a de l'herbe qui est haute comme ça. Elle s'aplatit là-dedans. On avance tous en ligne comme ça. Ils se passaient d'une vingtaine de mètres à peu près, chacun. Elle avance comme ça, elle avance. Elle va essayer de passer entre les 20 mètres d'un à l'autre pour vous attraper par derrière. Je peux vous dire que je suis toujours avec les yeux derrière. Serpent à sonnette dans les herbes comme ça. Le serpent à sonnette, vous savez ce que c'est qu'un serpent à sonnette? C'est mortel, hein? Putain, lion. Du lion devant moi comme ça. Putain, je t'y fous un coup de Moser. Lion, je le déchique, le mec, je l'ai coupé en deux. Ils ont la queue, ça fait comme ça. C'est un gros, ça fait un gros loup. Putain. It's difficult to know. Other countries, you don't understand. It's difficult. Yeah. Ah, c'est. Ah, ça va se lever quand même. Ouais, il va faire du soleil normalement. Il devrait faire beau. Là. Maybe. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. hexagonale du Vide est une large bande du territoire français allant de la Meuse au Land où les densités de population sont très faibles par rapport au reste de la France. Vous écoutez un podcast géographique depuis la Diagonale du Vide, c'est ici et maintenant. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes en octobre 2017 et vous écoutez l'épisode 1 de la saison 2. Vous êtes peut-être en train de prendre votre petit déjeuner. Vous avez mis sur vos oreilles votre casque sans fil. Donc vous faites le café. Vous sortez les céréales de leur placard. Vous allez chercher dans le frigo la brique de lait de riz qui va vous permettre de préparer la collation de votre petit dernier. Vous allez vous laver les dents. Vous allez prendre une douche. Et puis vous irez réveiller ce petit dernier. D'ici là, une demi-heure pour se détendre. C'est pas mal. Alors vous lancez la lecture de la Diagonale du Vide. Et vous vous dites que c'est quand même chouette. Ça faisait longtemps. Et puis vous n'étiez plus tout à fait sûr que ça reviendrait. On est reparti pour une saison 2. Ou alors vous êtes déjà en voiture. Et ça vous énerve parce que en fait le tram est en travaux. Du coup ils ont bloqué la route. Et en plus il n'y a plus de tram. Alors pour aller à votre boulot, il faut prendre la voiture. Voilà, là où d'habitude vous mettez 10 minutes en tram et en vélo. Ben là... Vous mettez une demi-heure, bah, et c'est ce qu'il faut pour écouter la Diagonale du Vide. Je vous souhaite une très bonne écoute, et j'espère que ça va. Cette semaine, pour moi, c'est la rentrée des podcasts. J'ai pas fait de podcast pendant le mois de septembre. Je me suis dit, ça va me faire du bien, ça va me faire une coupure. Je vais pouvoir préparer un nouveau logo, un nouveau générique. Et puis je reviendrai tranquillement, bien reposé, au mois d'octobre. Qu'est-ce que j'ai fait au mois de septembre? J'ai pas arrêté de bosser. Du coup, j'ai pas pu penser à mes podcasts. Et du coup, comme d'habitude, je me suis pris au dernier moment. Mais j'espère quand même que vous allez voir des changements. Les changements, ils viendront pendant le cours de la saison 2. Voilà, c'est work in progress. On commence à décider qu'on va changer, et puis en fait on change après. J'espère que ça va continuer à vous plaire, et que vous serez de plus en plus nombreuses et de plus en plus nombreux à m'écouter. Les hashtags du jour, c'est hashtag chasse, vous l'avez déjà entendu, hashtag éducation populaire, j'aime bien celui-là, et le dernier c'est hashtag vagabondage. Oui. Et donc voilà, on est arrivé hier matin, on présente le film vendredi à 21h à la salle des fêtes, c'est gratuit et tout le monde est bienvenu. Et on a plusieurs séquences dans le film parce que c'est un film participatif. Et là, par exemple, c'est le moment pour danser une valse. Par exemple avec Delphine qui est une très bonne valseuse. Gilbert aussi qui est pas mauvais quoi. Refaire un petit peu le bout des pieds, tirer le bout des chaussures, ça ne marche pas. Ouais. Je suis en plein rush là. Ah ouais, ça a l'air. Putain, ça y est quoi. Le reste du monde n'existe plus. J'enregistre en cachette. Vous savez quoi faire? Ça se passe bien. Ils ont l'air sympas, j'ai lu leur blog ce matin. Ils sont arrivés en retard dans le train et tout, c'est eux. Ouais, c'est ça, l'humour qu'il y a. Ça va, c'est bien quoi, moi j'aime bien. Hyper simple. Ils viennent de où? Ils sont de Los Angeles. Enfin, ils sont du Nord-Calais. Los Angeles, ah ouais, c'est pas comme Los Angeles. Non, ça t'a fait pas. toutes les actions qu'il y aura eu ensemble. Ok. Voilà. Ok. Ça fait longtemps que vous êtes là ? Ça fait 5 ans là. Ah oui, quand même. Ouais. T'as pas le même tu viens pas de Lens ? Ah non, vous avez je viens de l'autre côté de la rivière, pas, du Lot. Ouais, c'est ça. Mais je suis avéronaise d'origine. Ah bon, ça va alors. Voilà. Née dans le Tarn, mais habitée en Aveyron. Et je vis maintenant dans le Lot depuis 10 ans, donc près de Cahors. Voilà, exactement. Quelqu'un qui écrit sur des gens qui écrivent. Quand on est arrivé, la première chose qu'on a fait, c'est qu'on est sorti du train à 9h et paf, on nous a emmené manger du truc. Ah, voilà. Dans le bain direct. Direct. Voilà, on fait vomir. Ouais. Avec du marciac. Avec du vin, ouais. Puis après, ouais, on a fait marciac, voir de la Mirabelle. Ouais. Et il nous a ramené en tracteur jusque le centre-ville. Dans la belle du tracteur. Voilà. Ouais. On a été accueillis comme ça. Parce que vous êtes des acteurs. Oui. On est des tracteurs. Ouais, c'est vrai. Ouais. Comment tu veux. Est-ce qu'on peut vous déranger du coup de 5 minutes mais oui, interview, oui, bien sûr. On vous met tous les trois quelque part et puis on. On discute 5 minutes ou c'est pas possible? Bah lui en pleine pièce là. Ou alors plutôt sur la grande table là parce que c'est vraiment le. Vas-y. Génial. Je comprends. Merci. Donc, qu'est-ce qui vous intéresse du coup ? Il faut que tu mettes un peu l'iPhone là dans le jeu. Ah ouais, là, mets ton iPhone, ça fait start-up. Alors, il ne faut pas sortir du cadre. On a quand même envie de vous demander un petit truc. On a besoin de faire un générique à notre film. Et le générique, c'est des gens qui se succèdent en disant des citations de philosophes ou d'auteurs. Donc on en a une grande liste là. On demande aux gens de lire. Dès qu'il y en a une qui vous parle, eh ben, vous la retenez par cœur et puis moi je la filme. C'est mélancolique, hein, souvent. Alors, il y a peut-être quelque chose qui pourrait nous rapprocher du verre. Ou de la transparence. Mais on évite de lire, il faut la prendre par cœur, sinon les gens vont tout de suite vers les plus courtes. Oui, vous avez trouvé. J'ai l'impression. C'est laquelle ? Celui qui ne connaît pas l'histoire est condamné à la revivre. Ah, c'est pas mal pour... Alors du coup, je vais venir tranquillement. Hein. Je vais venir tout doucement. Tout doucement, mais prêt. Et l'idée, du coup, c'est de la dire en regardant l'œil de la caméra. Mais je vais venir prêt. Et quand je fais un petit signe de tête, il faut la dire. Voilà. Celui qui ne connaît pas l'histoire est condamné à la revivre. Ah bah c'est parfait, d'habitude on fait plusieurs, ouais, mais là même pas de bœuf. Moi je vais galérer. Mais c'est pas grave parce qu'on a abandonné la pellicule, donc on peut tout, tout refaire. Pardon. C'est généralement comme ça que ça se passe. Mais t'as la pellicule, tu peux y aller. C'est pas déjà. La vie est une gare, bientôt je partirai où, je n'en sais rien. Attention, c'est bon. La vie est une gare. Je partirai bientôt. Où ? Je n'en sais rien. Parfait. J'en ai une. Mode raton la feu. On y va. Je peux la relire avant. Si tu veux comme ça, il suffit de répéter. Un seul remède si on peut nous aimer plus qu'on ne souffre en mai. Donc. Un seul remède, si on peut en user, aimer plus qu'on ne souffre. C'est parti. Un seul remède, si on peut en user, aimer plus qu'on ne souffre. Bon, moi j'ai changé finalement, parce d'accord. Que voilà. Mais elle est très bien, celle-là aussi. Donc j'attends le signe de tête. Ouais, puis on va attendre que ça arrive flou. Il faut essayer d'être heureux, ne serait-ce que pour donner l'exemple. On la refait une fois. Il faut essayer d'être heureux, ne serait-ce que pour donner l'exemple. Bim ! Génial. C'est parfait. Bah, vous allez être bien dans notre film. Bon. Bah voilà. C'était un plaisir de venir chez vous. Si moi j'ai tous les soirs. Ouais. Et ben vendredi. Donc en fait, ce que vous allez nous présenter, c'est un diaporama, un truc avec des morceaux de films, c'est une conférence. En fait, c'est une sorte de... Comme que tu vois les mariages, quand on fait un petit diaporama, ouais. C'est pareil. Ouais, vous parlez, ça dure une heure et quart. Ah, ta gueule. Pardon. On a fait des portes, le portrait du village à travers le portrait des gens qu'on a rencontrés. Donc il y a des courtes interviews, on a aussi des super belles images qu'on a faites ici. Que Béné a faites. Que Béné a faites aussi. Sont belles. On a Moura qui danse, mais qui danse dans les images, qui dansera sur ses voix. Hein. Ouais. Et nous, on a écrit des textes qu'on lit à certains moments. Et il y a deux écrans en même temps. Et donc du coup, des fois, c'est intéressant, des fois, c'est pas intéressant, ça dépend de qui parle. Comme vous êtes en résidence souvent à droite à gauche, est-ce que ce travail-là s'inscrit dans un travail plus important? Moi, je dirais plus que ça s'inscrit dans les autres créations qu'on fait à côté. Enfin, c'est un travail, le travail de la ronde, de réfléchir à comment rencontrer les gens, c'est le travail du metteur en scène de la compagnie. Ouais. C'est le mien aussi. En fait, là, je fais des actes de compagnie qui travaillent essentiellement sur la culture populaire et ouvrière. Bon, on laisse une capacité. Parce que là, c'est particulier parce qu'ici, il n'y a pas de problème. Mais nous, d'habitude, on vient. Enfin, il n'y a pas de problème. Pas de gros problème. D'habitude, on nous appelle surtout dans les... On fait énormément toute la banlieue parisienne, les prisons. On nous appelle pour aller parler aux gens que les structures n'arrivent pas à capter. Vous avez déjà fait une résidence dans une prison? À Fleury-Mérogis, oui. Et puis là, pareil, on a fait dans un hôpital psychiatrique où l'idée, c'était d'abord qu'on a rencontré... On a été trois fois. Donc on a d'abord rencontré les gens et on a fait le film sur eux. Et après, ils nous ont rejoints dans l'équipe et au fur et à mesure, c'est eux qui ont fait leur film. La troisième fois, c'est eux qui ont fait le film de la ville où ils habitent. Et l'idée, c'est de... On est sortis de l'hôpital, quoi. De donner la parole aux gens qui ne l'ont pas d'habitude. Et de... Du coup, de créer une image positive. Donc après, le film avec les usagers de la psychiatrie, parce qu'il ne faut pas dire ça. Après, j'ai voilà... Pas dit fou, moi. Les neuneux. J'ai dit les neuneux, ouais. Et puis en même temps, c'est de la psychothérapie, hein, parce que on a fait aussi des projets avec des jeunes vraiment en difficulté. Après, ça leur permet aussi de trouver des moyens d'expression. Et du coup, alors, votre compagnie, elle s'appelle comment? Hendrix van der Zee. Hendrix van der Zee. Ah, je fais des aides. Sinon, les gens... Ah, moi, je suis content que ça vous ait plu de manger. Ah, oui, c'était bien. Une éducation politique et culturelle pour tous, qui donne le pouvoir à chacun, qui amoindrissent les injustices sociales. Mais ils n'en ont pas voulu. Ils n'en ont pas voulu parce qu'ils ont préféré une éducation au capitalisme par le biais de la culture. La culture n'est plus le lion d'un peuple, elle est un outil d'ascension sociale, donc exclusive, excluante. Le ministère de la Culture est là pour nous dire que grâce à la culture, nous avons la possibilité de nous hisser dans la hiérarchie sociale sans distinction de classe. Ça sous-entend que la culture ne luttera pas contre les inégalités. Elle ne fait que proposer des nouveaux critères pour une hiérarchie, un nouveau système de classe, non plus sur les bases du travail, mais sur celles du savoir. Existe la conscience de classe. Les injustices sont les mêmes, mais aujourd'hui, quand on n'est pas en haut de l'échelle sociale, on nous dit que c'est de notre faute. Il n'y avait qu'à travailler à l'école, fallait accumuler du savoir. Oui, mais quoi? On pourrait pas être 67 millions à accumuler du savoir à Bogo. Il n'y a pas de place en haut d'échelle pour tout le monde. Si on veut l'égalité, c'est cette échelle qu'il faut revoir. C'est ce à quoi travaille l'éducation populaire et c'est ce pourquoi ils n'en ont pas voulu. Alors maintenant, on fait quoi? Thank you. Voilà, c'est l'histoire. C'est arrivé hier, en fait. Hier, qu'est-ce que je faisais? J'étais en voiture. Je revenais d'une réunion où je devais me rendre le matin. Je suis passé par une ville qui s'appelle Valence d'Agen. Et je devais aller jusqu'à Cahors. Donc, il y a grosso modo 70 km. J'étais dans ma voiture. Je venais de finir l'écoute de l'épisode de Roule avec moi, de Tocheux, là. Et j'écoutais un épisode de... Je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Les couilles sur la table, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc, en fait, à Valence d'Agen, il y a une centrale nucléaire. Donc, il y a des pavillons avec des gens qui travaillent à la centrale et qui habitent là. Il y a plein de belles voitures. C'est une petite ville du sud-ouest de la France avec un marché couvert en centre-ville, des halles. Le collège Jules Ferry. Une petite gare de triage. Et là, sur le bord de la route, un clodo qui fait du stop. C'était un mec brun avec une barbe broussailleuse. Des cheveux ébouriffés, voilà, qui m'a fait signe sur le bord de la route de m'arrêter. Donc je me suis arrêté, je l'ai pris en stop. Je lui ai demandé où il allait, il m'a dit qu'il allait à Agen. Là je lui ai dit, bah, moi je vais à Cahors, si tu veux je te dépose sur au rond-point un peu plus loin qui va sur la route d'Agen. Il monte dans ma voiture et il me dit, non mais en fait Cahors, ça me va, je vais avec toi. Donc ok, pas de souci. Je lui explique que quand même Cahors, je lui demande s'il connaît, quoi. Je lui dis, c'est quand même à 70 bornes. Il dit, ouais, mais Cahors, c'est bien. Je lui dis, mais ça va, t'aimes bien cette ville? Cahors, oh, j'aime moyen. Je sais pas pourquoi il m'a dit ça. Et puis, il m'a demandé si j'avais une clope. J'avais pas de clope. Alors, je suis en train d'essayer d'arrêter de fumer. Donc j'ai une machine à vapeur pour arrêter de fumer. Il s'est roulé une petite clope avec des miettes de tabac qu'il avait dans le fond d'une poche. La pluie s'est mise à tomber. Tout autour de nous, il y avait des bourrasques de pluie. Et il a ouvert la fenêtre pour faire sortir la fumée du tabac. Et c'est là qu'il m'a dit, je suis vraiment désolé pour les pieds, mais... je marche beaucoup. En fait, ça poquait dans la voiture. Ça poquait la vieille chaussette, quoi. C'est vrai qu'il sentait fort des chaussures, quoi. Bon, alors, je lui ai dit que c'était pas un problème, hein, qu'il pouvait très bien puer des pieds dans ma voiture, que ça me gênait pas. On a roulé un peu. Il a fumé sa clope. On a essayé de commencer une espèce de conversation, mais... c'était pas évident, quoi. Je lui ai demandé s'il était sur la route. Il me dit ouais. Il me demandait si je bossais. Je lui dis ouais. Il m'a demandé si c'était ma voiture. Il m'a demandé ce que j'avais comme voiture. C'est bizarre. Il voulait savoir la couleur de la voiture que j'avais. Et puis on est passé à côté d'un village qui s'appelle Lozerte. Et il a regardé. C'est une ville. Quand on passe à Lozerte, en fait, on ne s'arrête pas dans la ville. Parce que la ville, c'est une espèce de bastide. C'est une ville qui a été construite au sommet d'un pic rocheux. Donc, c'est plus ou moins un village fortifié. Et quand la route qui passe par là-bas, elle fait le tour au pied de la colline, évidemment. On ne va pas monter dans les ruelles pour redescendre de l'autre côté. Donc, il regarde cette ville et il me demande s'il y a des bars là-haut. Je lui dis, ouais, bon, probablement, il y a un bar. Et puis je lui explique, je lui dis, mais on va pas y passer parce qu'en fait, on va faire le tour. Puis là, il me répond, ouais, tant mieux, parce que dans les bars, les gens, ils peuvent nous enlever. Dans ces villes-là, au Moyen-Âge, les rois, ils enlevaient les gens. Ils prenaient des blancs, ils les transformaient en noirs. Ils prenaient des noirs et les transformaient en jaunes. Et puis là, il s'arrête de parler. Il s'arrête de parler, il me regarde, et c'est là en fait que je vois qu'il a des yeux complètement effrayés. Donc je lui explique, je lui dis non, mais c'est bon là, tu sais, en fait, Lozère, déjà on n'est plus au Moyen-Âge, et puis aujourd'hui il y a des bars peut-être, mais à cette heure-là, ça se trouve, ils sont fermés. Puis là, il m'explique, il a dit, tu vois les panneaux blancs là-bas? On arrivait à un rond-point, il y avait des panneaux. Eh ben, il y a des villages qui ont le même nom que d'autres villages qui ne sont pas dans le même endroit. Et en fait, c'est des villages qui se téléportent. Et là, je fais, En fait, le type, il était fou. Il était complètement parano, quoi. Le type, c'était pas juste un vagabond qui puait des pieds. C'était un mec qui était poursuivi tous les jours par des fantômes qu'il avait imaginés. Mais c'est pour ça qu'il passait sa vie à fuir. Là, je comprends que le mec, il est dans un autre monde. Il y a des types qui veulent l'enlever. Et c'est pour ça qu'il ne peut pas travailler. Parce qu'il est poursuivi par des gens. Et il me regarde. Il avait l'air effrayé, quoi. Alors bon, on passe Lozère, ok. On voyait, il y avait des feuilles mortes qui volaient sur la route. Poussées par le vent, je lui dis, regarde comme c'est joli. On dirait des petits animaux. Alors qu'en fait, c'est des feuilles mortes. Il regarde là, et il dit, ouais, elles sont violettes et blanches. Alors qu'en fait, elles étaient jaunes. Et puis au bout d'un moment, il a arrêté de parler. Il m'a demandé ce que je faisais comme travail. Il s'est un petit peu gratté. Et tranquillement, il s'est endormi dans ma voiture. Il y avait le chauffage, dehors il pleuvait. Et il s'est endormi dans ma voiture. Et pendant, je sais pas moi, peut-être un quart d'heure, 10 minutes, un quart d'heure, j'ai roulé dans le Quercy avec à côté de moi un type qui était poursuivi par des fantômes. Je lui ai demandé où je le déposais. Je te dépose en centre-ville. Il me dit, ouais, je pense que je vais trouver un foyer pour prendre une douche. Il me regarde et sourit. Et puis un peu plus loin, un parking, pas loin du centre-ville, en face d'un relais de pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Je lui dis, ben là, ça se trouve, tu trouveras bien des gens qui vont pouvoir t'expliquer où tu peux prendre une douche. Il me dit, ouais, c'est une bonne idée, je m'arrête là. Il s'arrête. Je descends, oh, je me dégourdis. Je vapote. Et puis je lui dis, bonne chance. Et là, il me regarde. Il me dit, non, bonne chance à toi. Il fait demi-tour, il prend un escalier, il se casse. Little boxes on the hillside, little boxes made of ticky-tacky, little boxes on the hillside, little boxes all the same. There's a pink one and a green one, and a blue one and a yellow one, and they're all made out of ticky-tacky, and they all look just the same. And the people in the houses all went to the university, where they were put in boxes, and they came out all the same. And there's doctors and lawyers and business executives, and they're all made out of ticky-tacky, and they all look just the same. And they all play on the golf course and drink their martinis dry, and they all have pretty children, and the children go to school, and the children go to summer camp, and then to the university, where they are put in boxes, and they come out all the same. And the boys go into business and marry and raise a family in boxes made of ticky-tacky, and they all look just the same. There's a pink one and a green one and a blue one and a yellow one, and they're all made out of ticky-tacky, and they all look just the same. Voilà, c'est fini. Je vous remercie d'avoir écouté. J'ai encore une fois pris beaucoup de plaisir à vous parler, évidemment. Je vous remercie pour la pub que vous pouvez me faire en parlant du podcast de la Diagonale du Vide autour de vous. Portez-vous bien. Si vous allez travailler, je vous souhaite une journée pleine de courage. Si c'est le soir et que vous êtes rentré chez vous, je vous souhaite une bonne nuit, une soirée pleine de repos. Moi, je vous retrouve dans 2 ou 3 semaines, dans un endroit probablement différent, mais toujours entre vos oreilles.